toujours à l'occasion de la journée de la brillante étoile, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des Grands-Hommes Bechtesen 2017, le comité préparatoire suisse du 75e anniversaire de naissance du généralissime Kim Jong-il, le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études et de justice ont publié une déclaration commune. Le secrétaire du comité de Yangon du Parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar et le président du comité préparatoire du Myanmar pour le rendez-vous en l'honneur des Grands-Hommes Bechtesen 2017, directeur de l'Institut d'homothérapie du Myanmar, ont publié respectivement une communication.